C'est fou. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Maxime Lemire-Amé nous fait découvrir de la musique dans Télécharge quoi? Et on parle chiro avec une personne du département de chiropratique. Assemblage requis, tout de suite! Tu vas t'en remettre, ça va, François? Une chance qu'on ait une longue intro. Une chance que l'intro dure comme 15 minutes avant de démarrer. François se remet de ses périples, ses péripéties. Oui, un petit problème de gorge ce matin. Ah ouais, pas plaisant. Bienvenue à Assemblage Hockey, c'est l'émission matinale en pièces détachées. On est le mercredi 2 mars et moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François Olivier. On dirait des studios de 6 fois à Trois-Rivières, là. Ici, là. Tout à fait. Right here, right now, in the house. On est seul parmi la semaine de relâche. Ah, j'y pense même pas. Pour moi, la semaine de relâche à 7h le matin, elle ressemble pas mal à une semaine normale, je dirais. Mais plus tard dans la journée, ouais, on va voir la différence. Ouais, on voit un peu la différence sur le campus. Là, c'est vraiment tranquille. Ça fait changement, en tout cas. On se plaint pas. Non, j'aime ça, moi. Il y a du stationnement. Ouais. Il y a du stationnement. C'est tranquille. On se remet... je sais que c'est loin, mais c'est comme le contraste par rapport au carnaval. T'as eu une grosse semaine de carnaval. Tout le monde bougeait, puis là, c'est la semaine où il n'y a plus absolument rien. Tout à fait. Bon. Cette session-ci, les choses vont vite. Et oui. Ah ben, sérieusement, on est rendu très, très, très près de la fin de la session. Là. Et du printemps! Oh, le printemps! La, la, la, la. Si la neige peut arrêter de tomber, verra. J'ai hâte. Aujourd'hui, à l'émission, on a Maxime Lemire-Amé avec sa chronique Télécharge quoi, comme à chaque mercredi, il nous présente ses découvertes musicales de la semaine. Ça peut être des nouveautés, ça peut être moins nouveau, mais on sait que c'est nouveau pour Maxime. Et mais c'est pratiquement, on dit pratiquement, tout le temps bon. Ben, pratiquement tout le temps bon. Ah oui, en effet. Je peux compter sur les doigts d'une seule main les affaires que j'ai moins aimées en dedans de 4 sessions qu'on fait avec lui jusqu'à maintenant. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a la chronique de chiropratique avec le département de chiropratique de l'UQTR. C'est ça, exactement, qui va être autour de 8h30. Oui, environ. On va parler de quoi? Je sais pas encore. Le prochain sujet sera quelque chose par rapport au dos, j'imagine. Peut-être. On sait pas. Peut-être. Peut-être pas. Peut-être pas non plus. Ça a des liens avec d'autres affaires, ça, de la chiropratique. Oui, tout à fait. Comme on l'a vu dans la première chronique. Et la semaine dernière. On a aimé cette première chronique-là. Oui, tout à fait. Elle devait avoir une suite. Exactement. Et Mathieu, aujourd'hui, et oui, comme tu sais, c'est la semaine de relâche, on fait des heureux. C'est même un assemblage requis. Oui. On fait tirer des bonbons. Hey! Encore. Un ensemble de cadeaux. D'habitude, les bonbons, c'est nous. Les bonbons, c'est nous. Mais là, ça va être nous pour remporter. Oh! Ben, vous partez avec des bonbons. On va signer chacun des bonbons dans votre sac. Là. On pourrait les licher même. les humecter. Mais il y en a énormément, des bonbons. Tu les as vus, les ensembles cadeaux? Il y en a trop. Il y en a trop. Pour certains. Ça va faire des jaloux et peut-être que vous allez pouvoir partager parce qu'on en a assez pour ça. Oh, oui. Je pense que vous n'aurez pas le choix de partager. Sinon, à un moment donné, ça devient dur après des années, ça. Yes! Je me rappelle qu'à l'Halloween, j'achète des cargaisons de bonbons. Ça devient dur. Hein? Ça va être encore bon, là, mais c'est dur. C'est ça, c'est encore bon. En effet, ça goûte encore très bon dans la bouche, mais c'est dur. Sinon, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Des petites choses spéciales que je t'ai préparées pour cette première heure, François. On va ressortir notre bon vieux bloc avec pas de nom encore. OK. Le bloc de la pièce que normalement, c'est comme celle que je préfère le moins sur l'album, mais qu'on écoute. Expliquons-le pour que les gens trouvent que c'est une bonne idée. Ouais. Parce qu'il faut vraiment... Je pense que ça, c'est une bonne idée. Ça a pas l'air très bon comme idée, sinon. C'est la pièce qu'on ferait le moins jouer à la radio. C'est okay. Un album qu'on adore, OK? Comme exemple, tu peux-tu... Mettons Yesayer. OK. On aime toutes les pièces, on les fait jouer souvent, tu sais, on va d'un côté à l'autre de l'album, on en fait jouer, mais notre priorité n'est pas sur une des pièces dans l'album. Il y en a une qu'on joue pas vraiment à la radio. Qui nous accroche moins. C'est ça, un peu moins. On trippe moins, mais ça reste une bonne pièce, ça reste un bon album. Donc on vous la fait jouer parce qu'elle a moins de chance. C'est comme une genre de dernière chance. T'sais, genre, vas-y, joue là. C'est là, là. C'est là ou jamais, là. Profite-en. Et on va aussi avoir un bloc thématique. J'aime ça faire ça. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. On ramène le concept parce qu'à un moment donné, il faut remettre ses affaires à la bonne place. Ouais. C'est un bloc thématique. Donc, ça, on choisit un thème particulier. On joue des chansons qui ont rapport avec ça. Et aujourd'hui, c'est des chansons homonymes. Donc, des pièces qui chantent le nom du groupe dans la chanson. Oh. Hein? Ça va être bon, ça? Très bon. Ça va être tout à l'heure à l'émission, mais pour l'instant, on écoute The Rural Alberta Advantage avec une pièce du palmarès anglophone. Voici Stamp. 89 FM, c'est fou. Station qu'on peut écouter sans aucun timbre, dans le fond. Tu vas sur Internet, c'est comme envoyer une lettre, mais c'est sur un ordinateur terminal mobile. Même sur votre iPhone. Même sur votre iPhone. Incroyable. Incroyable. Incrédible. C'est juste pas crédible. Non. Matinale en pièces détachées, assemblage requis. Galaxy, la pièce camouflard à assemblage requis. Avant ça, c'était Stand par The Rural Alberta Advantage. J'adore cette pièce-là. Les deux Galaxy ou Rural? Rural en particulier, mais Galaxy aussi est très bonne. On a toujours l'air un petit peu lent mentalement quand on dit Rural. Rural Alberta. On n'est pas habitué. Hein? Non. Ça se dit très mal. Mais même les anglophones, pour vrai, c'est un nom difficile à dire, même en anglais. Là. Rural Alberta Advantage. Ah, mais tu, là, tu l'as bien eu. Galaxy, c'est facile à dire. François, excitant. Excitant. C'est le moment d'enfin ramener notre bloc thématique. On faisait ça très souvent à Assemblage Requis dans le temps. Ouais, oh oui. Tu te rappelles, hein, des nombreux sujets? Justement, je voulais t'en parler. C'est ça, les oiseaux ou n'importe quoi. On avait, je pense, le gâteau, quelque chose comme ça. Les desserts. Les desserts. Aujourd'hui, notre thème, c'est les groupes qui chantent leur propre nom dans des pièces. Oh, fort intéressant. Donc, par exemple, on va entendre plus tard dans le bloc Tokyo Police Club avec la pièce Cheer It On. Et là, là-dedans, il n'arrête pas de dire Tokyo Police Club. Hein? Okay. On va commencer le bloc avec Vanessa Pariétaire et la chanson qui s'intitule drôlement Vanessa Pariétaire. Et c'est ce qui commence le bloc à l'instant au 89.1 FM. C'est Assemblage Requis. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Vivement la qualité de cette pièce-là, hein? C'est, ça sonnait très, très bien. Beastie Boys avec la pièce B-E-A-S-T-I-E, ou Beastie Boys, hein? C'est la chanson dans le bloc thématique où les groupes chantent leur propre nom dans leur chanson. Hein? Beastie Boys, donc avec Beastie Boys. Avant, c'était Tokyo Police Club avec Cheer It On, où ils n'arrêtent pas de dire le nom du groupe Tokyo Police Club. On débutait avec Vanessa Pariétaire et leur chanson homonyme Vanessa Pariétaire. C'était notre bloc thématique de la semaine. Oh, yay! Ouais. Je dis pas que ça va être à chaque semaine. Je manque un peu d'imagination, mais bon. Voilà, vous êtes toujours à Assemblage requis. On continue avec une pièce musicale, François, mais pas celle-là, parce qu'on se disait, tu sais, des fois, on se dit, ah, crème, l'autre doit aimer ça, je vais en faire jouer des fois, t'sais. Mais c'est ça. Sincèrement, j'étais certain que t'aimais ça. Non, j'aime pas ça. Et puis moi non plus, j'étais pas un grand fan, mais je me dis, bon, Mathieu aime ça, écoute... On peut en faire jouer. On dira même pas le nom. À la place, on va aller entendre Jérôme Minière. Non, parce que les palmarès, c'est fou. Faut que les gens se mettent ça dans la tête. On le dit une fois de temps en temps, palmarès, c'est fou, mais on le répète pas si souvent que ça ailleurs que dans les palmarès. Les palmarès, je me répète, c'est le choix des animateurs au grand complet. Donc, c'est toute la station et c'est pas nécessairement le choix des animateurs ici présents. C'est ça, exactement. Même au palmarès, c'est fou. Des fois, on dit, Stéphanie et moi, qu'on aime pas les affaires que dans le palmarès. Ça peut arriver. On a fait qu'animer et présenter ces pièces-là. Oui. Il y en a pour tous les goûts. C'est ça, exactement. C'est de là le choix, des fois, qui peut être plus ou moins apte à nos oreilles. Et voilà. Mais il faut s'ouvrir les horizons, il faut ouvrir nos oreilles pour écouter. C'est fou, de toute façon, tout le monde le sait, ça. Je crois que c'est pas une rumeur, c'est pas un mythe ni une légende, mais c'est fou, c'est d'une radio où on choisit quoi écouter. All right, tu l'as dit, Matt. I said it? Yes. You said it, mister? Yes, you can. Yes, you can. Bon, on parle anglais aujourd'hui, c'est bien. Jérôme Minière, le Café Espagnol, 89 FM. La radio pour tous. Mais à différents moments, pas tout en même temps, au même endroit. Non. C'est ça. et le monde évanoui en une seconde les certitudes les plus profondes. En échange, quelques grimaces, un dimanche à faire le singe, un instant, un accent, ou bien quelques pas de danse dans un jardin sous la neige, un baiser dans le cou du temps. Tu es parti un peu plus loin, aimanté par l'horizon. Tu avais la conviction qu'ailleurs ce serait mieux. Le passé s'envole et nous trahit. Plus de traces des jours et des nuits. Quelques miettes qui luisent sur le sol du café espagnol. Oui, on se retrouvait là, au café espagnol, à dériver sur un autre temps, un océan dans un vieux bol, sous la pluie folle du quotidien, tout assombré dans l'oubli. Fais gestes et amis, tout assombré dans l'oubli. Et l'on se retrouve encore, tout au fond de ma mémoire. Et l'on se retrouve encore, au café espagnol. Le passé s'envole et nous trahit. Plus de traces des jours et des nuits. Quelques miettes qui luisent sur le sol du café espagnol. Pourquoi partir si loin sans penser à demain? Car même sans bouger, il nous faudra déjouer le piège du temps d'un geste de la main. Passer la distance à l'endroit où elle commence. Et l'on se retrouve encore tout au fond de ma mémoire. Et l'on se retrouve encore au café espagnol. Le passé s'envole et nous trahit. Plus de traces des jours et des nuits. Quelques miettes qui luisent sur le sol du café espagnol. Le passé s'envole et nous trahit. Plus de traces des jours et des nuits. Quelques miettes qui luisent sur le sol du café espagnol. Le passé s'envole et nous trahit. Plus de traces des jours et des nuits. L'émission construite à partir de matériaux de qualité, assemblage requis se poursuit jusqu'à 9 heures. Clean. So to sing along, come. pièce Moves de The New Pornographers. Reste avec nous parce que juste après la pause, on a deux choses. On a la musique de Mill & Carlin. Yeah! Okay. On a aussi ma chanson Dernière chance de jouer sur nos ondes parce que sinon on te jouerait pas tard parce que c'est la pièce qu'on aime le moins de l'album, mais que dans le fond elle est bonne quand même. C'est sur un bon album. C'est une bonne explication. Ouais, on va trouver un nom à un moment donné pour ça. Oh, ouais. Ouais, ou pas. Ben non, sûrement. Sûrement? Même d'ici la pause, écoute, on pourrait essayer de travailler là-dessus. Eh ben, restez avec nous, hein? T'sais. Ça vaut la peine. Ouais. Ou ça va vous faire de la peine de... d'avoir resté. Ouais, c'est ça. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante, Assemblage requis en pièces détachées. Bon, on a des suggestions pour notre bloc où on fait jouer une des pièces qu'on fait rarement jouer sur un CD, dans le sens où on a tout le temps fait jouer les mêmes pièces et que là, celle-là, on la joue parce qu'on est rendu là puis qu'il n'y en a comme plus d'autres vraiment à jouer sur l'album. Genre. C'était quoi nos suggestions? Écoute, priorité zéro. Priorité zéro, je pense, c'est bien. On aurait priorité nulle, c'est bien aussi. Ouais, priorité nulle. Le bloc de la dernière chance. Joue ou meurt. Joue ou meurt, ah, c'est bien ça. Ouais. On y repense, on a Mill & Carlin qui va nous jouer une petite chanson, une petite balade. De balade, oui. Ah, ils l'ont appelé de balade? Ils l'ont appelé de balade. Ben, t'es original. Oui. Ouais. C'est très tranquille. D'accord. On va se... Last selection in the ball game does never get a pass. Not appreciated, just his first name. He's the scapegoat of the class. There are no friends to cheer him up and no girls, no sweet romance. And it's impossible to expand when you never got a second chance. Do you know who's that guy who's all alone? Do you care enough to see his in pain and misery? He's not going to the school prom. He said he had the flu. Jumped up excuses as he told mom, I'm safer here with you. She told her son someday they'll all be sorry for mistreating you. Don't be afraid, my son, and trust me, you'll be someone they will look up to. Do you know who's that guy who's all alone? And do you care enough to see his in pain and misery? Do you care to see? We'll be right back. Oui, on a décidé que le fade était très rapide à la fin de la pièce, j'aime ça. Millen Collin avec la pièce de balade à Assemblage Rick. C'est bon, François, bon choix. Oui, j'adore cette pièce-là. On dit rarement quand c'est notre choix ou le choix de l'autre, hein? C'est vrai? C'est vrai? Parce que c'est du travail d'équipe, ça, tu sais, la musique qu'on joue, c'est notre musique et non pas la musique de quelqu'un en particulier. Non, c'est sûr, c'est sûr. Puis je pense pas que les auditeurs s'intéressent à savoir exactement. Absolument c'était, pas. C'était chouette qui, ça? Ah, oh, François, tes goûts sont bons! Hein? Non. Bon, c'est dit. OK, bon, maintenant, j'aime toujours l'expression « OK ». Bon. On est rendu au moment de l'émission qu'on cherchait le nom depuis le début. Mm-hmm. Oui. Qu'on n'a pas trouvé encore. Non, ben, je cherchais un petit peu sur les trucs de priorité. Il y a vraiment, par exemple, c'est, mettons, bon, la question que les gens demandaient, mettons, sur Internet, bon, comment est-ce qu'on traduit la phrase « moderate priority » en français, c'est bon. Par exemple, par rapport à la pornographie infantile, mettons, sur Internet, tu demandes la loi devrait-elle être priorité haute, priorité modérée, priorité faible ou priorité nulle? Bon, donc est-ce qu'on aime les priorités qu'il y a dans la priorité faible? Priorité nulle, est-ce que c'est bon? Non? Priorité zéro? Je sais pas. On pourrait aussi s'en foutre complètement. Je sais pas. Priorité faible, ça peut... Faible? Ça peut. Parce que c'est bon pareil. C'est parce que c'est ça, l'artiste est quand même bon. Oui. Donc, c'est l'idée du blog. On vous l'explique, si vous avez des suggestions pour le nom de la chronique, c'est 819-376-5183. On vous garantit pas que ce blog va avoir lieu souvent non plus. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un album qu'on aime beaucoup, d'un artiste qu'on aime beaucoup, d'un groupe qu'on aime beaucoup, et on choisit, bon, tu sais, d'habitude, pas mal tout le temps les mêmes pièces. Bon, tu sais, disons, ici, Yes, Ayer, on joue tout le temps. Mondo Green, on adore. Ambling Up, O.N.E. On a écouté Strange Reunions hier, c'était super bon. Mais la première pièce de l'album, moi, m'a un petit peu éteint par rapport à ce groupe-là. Rebuté. Quand j'ai écouté l'album au complet de Yes, Ayer, je me suis dit, je vais adorer ça. J'écoute la première pièce. C'est un genre. Mais ça reste une bonne pièce quand tu écoutes l'album au complet. Mais c'est pas notre priorité de la jouer à la radio. Donc on vous la joue en ce moment. C'est comme sa chance de jouer. C'est comme son moment de gloire. Prophétisel. T'aimes-tu un moment de gloire, quelque chose? Ouais. Moment de gloire? Ouais. Ok. Yes, Ayer. The Children. The Children. À Assemblage Rock. La formation Yes Ayer et la pièce The Children sur leur album Hot Blood. Vous l'avez entendu dans le bloc de la priorité faible moment de gloire de... Je sais pas. Vous voyez pourquoi ça m'a rebuté un peu au début. Au début. Pas si pire. C'est ça. Mais ce qu'on va faire dans ce genre de bloc-là, avec un nom inapproprié et inintéressant, c'est qu'on va aussi passer une des pièces qu'on adore de Yes Ayer, un des classiques, des succès ici assez fous, à laquelle vous êtes-tu entendre entre, mettons... Monta Green. Oh, on l'adore, Monta Green. Voici tout de suite Monta Green de Yes Ayer à Assemblage Rocky pour terminer ce bloc... Attends, je l'ai dit vite. Le bloc... Yes Ayer et Monta Green sur l'album Hot Blood. C'est le ballon, si on veut. C'est comme dans notre bloc pesé, là, d'une pièce qu'on fait jouer moins souvent parce qu'on l'apprécie un petit peu moins. Peut-être sa priorité est plus faible dans notre tête. Compensé avec un succès comme celui-là qu'on adore et qu'on fait jouer super souvent. Hein? Ouais, celle-là est une priorité élevée. Au maximal, là, au straight, là, au sommet, là, c'est génial. Voilà. Très bon. C'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. On a une deuxième heure qui s'en vient juste pour vous. Qu'est-ce qu'il y a dans la deuxième heure, François? Maxime Lemieux l'a ramé avec sa chronique en télécharge. Quoi? Je crois rêver! Ouais, tout à fait. Ça va être excellent. On va aussi avoir la chronique de la chiropratique. C'est l'ajustement. Ça commence à 8h30 tout à l'heure. Exactement. On va se faire les petits exercices de dos. Et puis... Et puis, pour vous récompenser, c'est ça, pour le dos, vos malaises de dos, ce truc-là, on aura des bonbons à faire tirer. Ça change le mal de place, ça. Quand c'est surette, surtout, là, c'est comme tu fais, ah, ben, crime, le mal de dos est pas si pire que ça. Mais c'est ça, faut pas exagérer. C'est ça, exactement. Restez avec nous, l'info qu'on peut suivre. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis pour le mercredi 2 mars 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François Louis. On est toujours en direct, comme toujours. Si on n'était pas en direct, est-ce qu'on pourrait dire des niaiseries de même? Là? Non, je pense pas. Je pense pas comme genre... École de tas de fou! Tu sais, mettons? Tout ça ensemble dans une même phrase comme tu viens de faire. Ben, sans censurer, évidemment. Mais en même temps, il faut se garder un petit joint. Un gars qui me donne envie souvent de sacrer, je dirais, mais de bonheur. De sacré de bonheur. De sacré de bonheur, comme ca qui est fin, puis étant que je l'aime, tu sais. Là, tu parles du coach. Le coach lui-même, là. C'est Maxime Lemieux-Ramé. Bon matin. bon matin, coach. Est-ce qu'on m'entend? Ben, on t'entend, oui, certainement. On t'entend très bien, moi. Okay. Par-dessus la musique que t'as pas laissé aller très, très longtemps, mais quand même. Ah. T'as bien fait ça, pareil. Non, c'est mes écouteurs là qui étaient pas assez fortes. Non? Est-ce que là, c'est ajusté? Là, c'est ajusté. Est-ce que tu veux qu'on t'aide avec ton dos aussi, tant qu'à avoir des ajustements, on pourrait te faire craquer ça? Là. Ça, c'est tantôt. Tantôt, c'est plus tard, tantôt. Ça. Ah. Moi, c'est télécharge quoi? Ah, présente. C'est la chronique musique, ouais. Musique musicale. Ouais. Alors, je présente 3 artistes là, qui vont sortir un album ou qui ont récemment sorti un album. OK. Et puis, on écoute une de leurs pièces. Ça ressemble habituellement à ça. C'est comme, mettons, la la la. C'est comme une chanson, c'est comme la la la, mettons. Ouais, c'est ça. La la la la. Avec la guitare. Faut tout expliquer. Faut tout expliquer ce matin. Un peu. Je me sens là. C'est quoi une chanson? C'est quoi? Mm-hmm. OK. Donc de quoi tu me parles cette semaine? 3 artistes comme toujours. Ouais, c'est ça. Alors, commençons par Cold Cave, un groupe qui vient de New York. Ben, en fait, tu sais, qui vient de New York. Qui est basé à New York, là. Ouais. On s'entend, hein? Ils sont pas nécessairement nés là, ils ont déménagé, ils ont fini par s'établir là. Ouais, c'est ça. Toi aussi, il faut t'expliquer les choses. Hein? Bon, alors, Cold Cave, qui vont sortir un album le 5 avril prochain, leur deuxième album, Cherish the Light Years. Et puis, le premier simple qui est issu de cet album-là, c'est The Great Pan is Dead. Tantôt, je pensais que... Tu croyais que c'était Plan? Mais c'est The Great Pan. Comme une panne. Oui, oui, pour faire de la cuisine. Pour faire de la cuisine, oui. C'est ça. Ou une pâte de peinture aussi. Aussi, oui. Oh, ouais, c'est vrai, ça. Je pensais pas à ça, hein, de ma part. Non, non, non. Oh, wow, quelle... Référence de peinture. Quand Mathieu a dit « comme une panne de peinture », François a pointé Mathieu pour dire « bonne idée ». Ouais, bravo. Ça, c'est vrai. Top là. À distance. Yeah. C'était magique. Ouais. Moment magique de radio. Donc, on va aller écouter Cold Cave tout de suite. Vous allez voir... Ça fasse dans le dash. Ça fasse dans le dash. Moi, je trouve. Hey, la complicité à matin est là. Celebrate! Alors, c'était Cold Cave avec la pièce The Great Pan Is Dead. Premier simple de leur futur album, Cherish the Light Years, qui va sortir le 5 avril prochain. C'est bon? Yes. Ouais. Ça me faisait penser un peu à Block Party. Oui, la fin. Oui. Parce que le début, c'est ça. Quand ça a commencé, j'étais « Oh! » Ça fait ça dans le dash, comme tu disais. Ouais. T'avais raison. Je voulais vous réveiller. Là, vous aviez de l'air un peu... bon. C'est le coach qui parle. C'est ça. Éveillez-vous! C'est après ça que tu vas me dire que j'ai les yeux cernés. C'est rempli de compliments, ça. Ben non. C'est pas vrai, là. Vous avez l'air super en forme. Ouais. Ça aussi, c'est très crédible. Je suis en train de m'étouffer dans le même Ça va, François l'a fait tantôt. Il reste juste moi. Ce sera pas long, tu vas t'étouffer. Ouais. Donc, OK. Je vais parler maintenant de... un peu de discipline. TV on the radio. TV on the radio. Ah! Alors, un autre groupe issu de New York. On va arrêter de le dire, je pense. Hein? Parce qu'ils viennent tous de là. Ben, c'est ça. Dorénavant, si tu nous présentes un groupe, c'est qu'ils viennent de New York, c'est ça? Ouais. D'accord. Puis, ils vont sûrement faire un tour à Berlin. Dans la prochaine tournée. Oui, j'imagine. Ils passent tous par là. Alors... On prend toujours un train. Ouais, c'est ça. Comme dirait José Lito. OK. Bon. Alors, le 12 avril prochain, 2011, le cinquième album de TV on the Radio sera disponible. Et cet album s'intitule... On dirait que j'avais tout écrit mon texte. C'est comme si. Tout comme. Mais je l'avais pas écrit. Non, en fait, le prochain album de TV on the Radio va s'intituler Nine Types of Life. Nine Types of Light. Neuf sortes de lumière. De lumière, ben oui. C'est ça. Et puis, il y a déjà le premier extrait de disponible qui s'intitule Will Do. On va l'écouter. Est-ce que c'est vraiment... tu disais... est-ce que tu l'as dit ou pas? Je sais pas, je lisais sur l'article. Un side project de Jane's Addiction, je savais pas ça. Non, ben moi non plus, je savais pas. Je sais même pas c'est quoi Jane's Addiction. On a fait jouer, ça me passait à C'était Sérieux? Fou, l'émission qui est rembobine, c'est fou, voyons. Ah, ben tu vois, j'étais pas in dans ce non, temps-là. Ben non, la semaine passée, ça fait longtemps. Non, mais je parle... En 2008. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, Will Do. Ouais. TV on the radio. Assemblage requis. Nine types of light. Ça pourrait être soit lumière, ça pourrait être aussi léger comme dans la mayonnaise light. Ah, léger, ben oui. Mais peut-être pas Neuf aussi. Neuf sortes de légèreté. Bien sûrement pas. Non. C'est léger, par exemple. Oui. If we never take the chance, I'd like to collapse with you and ease you against this song. I think we're compatible, I see that you think I'm wrong. But any time will do, my love. Any time will do, no choice of words will break me from this rule. Any time will do, my love. Any time will do. What choice of words will take me back to you? Oh. Your love makes a fool of you. You can't seem to understand. A heart doesn't play by rules, and love has its own demands. But I'll be there to take care of you if ever you should decide that you don't wanna waste your life in the middle of a lovesick lullaby. But anytime will do, my love. Anytime will do. No choice of words will break me from this rule. Anytime will do, my love. Anytime. C'était TV on the Radio avec la pièce Will Do du prochain album Nine Types of Light qui sort le 12 avril, soit dit en passant. Mm-hmm. J'ai aimé, j'ai vraiment aimé. Ouais, c'était doux. Ouais. Avec la voix de Peter Gabriel, je trouvais. Un peu. Je connais pas tant que ça, Peter. Alors, bon, dernier artiste dont je veux parler, j'en ai parlé la semaine dernière. Uh-huh. Alors, ça prouve à quel point j'ai hâte que leur prochain album, Angles, sorte. C'est quand tu parlais du 15 mars, hein? C'était ça? 22 mars. Le 22. Okay. Une semaine après. 15 mars. Ouais, c'est dans 3 semaines, dans 19 jours, je pense. Ça s'en vient. Ouais, à peu près. Sois plus précis que ça, franchement. Hein? Bon, désolé. Alors, c'est ça, il y a un nouvel extrait. Puis aussi, je voulais dire que... Il y avait maintenant un vidéo. Un vidéoclip pour la pièce Undercover of Darkness. Que tu as fait jouer, ben oui. La semaine dernière. Mmh. Mais là, on va aller écouter You're So Right. Puis vous allez voir, là, c'est un autre penchant là, de Strokes là, qu'on connaissait pas du tout. Ouais. Est-ce que c'est You're So Right comme dans T'as beaucoup raison ou est-ce que t'es bien à droite? T'sais? Ben, c'est ça. Là, j'ai fait des recherches et puis j'ai pas trouvé. Le sens de write pour ce titre-là, du moins. Ouais. On va leur réécrire. We'll write them. Bonjour. Quel beau retour. Écœurant. C'était The Strokes. C'est parce que parce que ça a cogné en même temps. Ça a cogné? Ouais. Je voulais dire bonjour. Alors, c'était The Strokes avec You're So Right. Deuxième extrait du prochain album, Angles, qui va sortir le 22 mars prochain. Est aussi bonne que la première pièce. J'ai très hâte d'entendre d'autres. Moi aussi, j'aime bien ça. Ouais. Mais j'étais un peu vendu. J'ai toujours aimé The Strokes depuis leur premier album, ouais. 2001. Donc, c'est ce qu'on dit, toi. T'es un gars vendu. J'étais un gars vendu. Ben oui. Donc, je vous laisse là-dessus, les gars. Je pense que vous avez une autre chronique. Ça a passé vite. Ouais, c'est ça, comme le mois de février. mais t'étais le mois de février. T'es poétique envers toi-même, je trouve. Ben, t'es plus plaisant qu'un mois de février. Merci. Ouais, un peu, ouais. Merci beaucoup. Comme moins froid. Ouais. C'est super gentil. Bon, je vais partir là-dessus. Je trouve que c'est le pic de notre conversation. Ouais. Bye. Hey, merci, coach. Ciao. et bon match. Ouais. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky, émission matinale en pièces détachées. On revient après la pause avec la chronique L'Ajustement du département de chiropratique de l'UQTR. Tout à fait. Et puis un concours de bonbons. Oh, de bonbons! On va faire tirer les bonbons un peu plus tard. Ça me jette à terre, ça me jette sur le dos. Assemblage Rocky est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Assemblage Rocky jusqu'à 9h. Il danse avec les genoux et la pièce. Oui, il danse avec les genoux, c'est le nom du groupe. Et la pièce La Grande Chef à Assemblage Requis, c'est un bon nom de groupe. Et les genoux, c'est une articulation qui, des fois, peut créer des problèmes de dos, peut-être, j'imagine. Oui. Et voici justement l'ajustement, présenté par les étudiants du département de chiropratique de l'UQTR. Lien difficile à faire des fois, mais quand même, au moins les genoux, c'est proche du dos. En effet, en effet. Alors, on est avec Nicolas du département de chiropratique de l'UQTR. Bonjour, Nicolas. Bon matin, bon matin. Bonjour. Est-ce qu'on peut parler de toi pour commencer? Savoir où tu es présentement en chiropratique. Oui, alors, moi, je suis un étudiant en quatrième année au doctorat en chiropratique. Je viens de commencer mon internat à la clinique universitaire qui va durer jusqu'à avril 2012. OK. Oui. Wow. Et ça, même l'été? Même l'été. Ah ouais? Donc, ça va être mon premier été complet à Trois-Rivières. J'appréhende le moment. Tu viens d'où? Je viens de l'Outaouais. L'Outaouais. Oui. Ce sera pas toi qui va être avec nous à chaque semaine, si je comprends bien, ou vous allez varier un peu? En fait, cette semaine, j'étais en remplacement, mais peut-être que ça va être encore moi la semaine prochaine. On risque de te revoir. Donc, en effet. Sinon, c'est Chenille Desgroseilliers qui est. Oui, ou Marc-Antoine Savard. Ah, vous êtes trois? On est trois. On va oublier tous ces noms-là, mais après ça, on va finir par s'habituer. Rappelez-vous de Nicolas. Oui, ben, non, l'estime de toi est là. Je blague. Passons de parler de qu'est-ce que c'est la chiropratique avec Chani, et là, on parle de quoi cette semaine? En fait, lundi, on a parlé aussi de qu'est-ce que faisait le chiropraticien. Au dîner de con, lundi, ça. Au dîner de con, exactement. Et ce matin, on va vous parler des différentes étapes des soins chiropratiques. D'accord. Donc, je commence. Vas-y. Excellent. Donc, en chiropratique, il y a trois types de soins qu'on peut faire qu'on peut offrir aux patients. Les trois types, soins de soulagement, soins de correction et soins de mieux-être. Soins de soulagement, c'est quand on a un patient qui se présente à nous avec une douleur aiguë, donc une douleur vraiment intense, que ce soit au niveau du dos, du cou, des articulations, du poignet, ainsi de suite. Mais une place précise. Une place précise, exactement. Et puis, les soins de soulagement, ça consiste en quoi? C'est des soins qui vont être plus intensifs. Donc, le patient, on va le voir, par exemple, trois fois par semaine. Oui. Et puis, les objectifs des soins de soulagement, c'est de vraiment soulager la douleur, diminuer l'enflure et l'inflammation qu'il pourrait avoir au sein de l'articulation qui serait lésée. Et puis, d'améliorer les amplitudes de mouvement de l'articulation. Parce que souvent, quand un patient vient nous voir, puis on... avec le terme général qui est barré, ben ça veut dire qu'il n'est pas capable de faire tous les mouvements. Fait que nous, notre objectif, c'est justement de l'amener à pouvoir faire tous les mouvements puis de pouvoir faire ses activités quotidiennes, pardon. Ouais. Et là, vous l'aidez là-dedans, mais il faut que la personne s'aide aussi. Par exemple, vous allez conseiller de la glace ou des trucs comme ça. La glace, des exercices, du repos surtout. Donc oui, donc en chiropratique, c'est vraiment important. Nous, on est là pour aider le patient, mais on fait vraiment comprendre au patient qui est là pour s'aider lui-même aussi. C'est ce qui est difficile à comprendre des fois pour certains patients, parce que tu sais, il y en a qui vont se dire, et je me rappelle de l'avoir déjà dit au début quand j'ai commencé à me faire traiter, c'est tu sais, ça va me traiter, puis je vais être correct après, puis je vais rien faire. Oui, c'est pas à moi de travailler, t'as eux autres de m'aider, toi. Comme non, mais c'est ça, faut que tu t'aides toi aussi. Allez, je parlais pas de même dans le temps non plus. Mais c'est ça, c'est pas comme des médicaments qu'on prescrit au patient et puis il prend ça puis ça va partir. Non, vraiment pas. C'est pas comme les médicaments, c'est une approche naturelle. Puis c'est vraiment important que le patient soit conscient que c'est lui qui est responsable de sa propre santé. Parce que s'il est conscient de ça, ben c'est déjà une étape de plus dans son cheminement vers une santé optimale, dans le fond. Deuxième type de soins, soins de correction. Donc ça, c'est après la phase de soulagement, un coup que la douleur intense est partie. Là, ce qu'on veut venir faire, c'est une réhabilitation, une rééducation puis une restauration du tissu qui a été lésé. Fait qu'on veut restaurer la fonction, donc tout à l'heure, quand on parlait d'amplitude de mouvement, bien, on continue dans cette vibe-là. On veut améliorer la force et la stabilité au niveau musculaire. Par exemple, si on a un muscle qui est plus faible ou un muscle qui est étendu, on vient travailler dessus, bien, on veut améliorer sa force éventuellement. On favorise la guérison encore du tissu. Puis, là, c'est marqué sur mon petit texte, on veut accroître la responsabilité du patient face à ses traitements. Fait que c'est un peu là qu'on commence dans les soins de correction et à être un peu plus intensif en lui disant... Bon, il faudrait suivre les exercices. Est-ce que vous avez mis de la glace, ainsi de suite? Tant de fois par jour. Exact. Pendant combien de temps? Et puis, bon. Pour les soins de correction, là, est-ce que, mettons un exemple, quelqu'un s'est cassé le coude, il peut aller vous voir pour vraiment récupérer comme un peu de la physio, si on veut? Ou? Oui et non. Tout ce qui est management de fracture, c'est certain que nous, on fait une référence en médecine pour qu'il soit pris en charge. Okay. Mais parallèle à ça, c'est certain qu'on peut faire un travail en parallèle avec l'approche médicale. Fait que ça soit au niveau de sa réhabilitation après, bien que ce soit bien qu'il soit plus souvent référé en physiothérapie. Mais oui, on peut avoir un impact là-dessus. Ensuite, les soins de mieux-être, finalement. Donc, il y a deux types de soins de mieux-être, soit les soins d'optimisation de la santé ou les soins de support. En gros, ce que ça veut dire les soins de mieux-être, c'est quand les douleurs du patient sont parties, il est capable de faire ses activités sans douleur, puis que ça va bien dans sa vie. Ben ça, c'est ce qu'on appelle un peu les soins de maintien. Fait qu'il vient nous voir, par exemple, une fois par mois, juste pour faire un check-up de sa santé, puis juste voir si la fonction, sa fonction au niveau des articulations se porte bien, dans le fond. C'est pas un massage, là. Non, c'est pas un massage. Comme on l'a dit la dernière fois, le gros du travail, ben, il y a les ajustements qui sont pratiques, là. Ce que dans la population générale, on parle du cric-crac-croc. Oui. Mais c'est autre chose que ça qu'on avait parlé la semaine passée. Puis en plus, il y a des thérapies musculaires. Des thérapies musculaires, pardon, qui s'apparentent un peu plus au massage, mais c'est pas vraiment ça, non. OK. Donc, après ça, je vous parle de la clinique universitaire ici à Trois-Rivières, la clinique juste à côté. Juste à côté, juste en bas. En bas de la côte. Exactement. Donc, où tu fais ton internat, là? Ouais, moi, donc, je fais mon internat. On peut aller te voir, là. Vous pouvez aller me voir, vous pouvez aller voir tous les internes qui sont là aussi, qui font un excellent travail. Non. Je vais essayer de faire la pub. Trop tard. Donc, la clinique universitaire, en fait, la mission de la clinique universitaire qu'on appelle la CUC ou CUC. On l'appelle bien? CUC. Je savais pas. Eh bien, vous l'avez. C'est dans le jargon populaire de chiropratique. Ah la ouais. CUC. Oui. La CUC. Donc, deux objectifs principaux. Un, former les docteurs en chiropratique qui sont compétents. Donc, profiter de l'expérience des cliniciens. Un clinicien qui est un chiropraticien déjà établi, qui est là pour nous superviser. Donc, on profite de leur expérience pour améliorer nos traitements. Ça, c'est de un. Et de deux, c'est d'offrir à la population de la Mauricie des soins de qualité qui sont conformes aux normes légales de la pratique établie mondialement, parce que la chiropratique est une profession qui est reconnue à travers le monde. Et ça, la population ne sait pas nécessairement que tout le monde peut y aller et puis que c'est régi par des règles et des normes. Et exactement. C'est un bon service. Donc, en chiropratique, on a un ordre professionnel, on a une association des chiropraticiens du Québec, donc le public est protégé et puis donc on est une profession qui est régie par un ordre, dans le fond. Donc ça, c'est bien important à savoir. Et ça, depuis 1973. Et ensuite, c'était la capsule politique. Oui, c'était très... Ce temps est fourni gratuitement. Et donc c'est ça, les services qui sont offerts à la CUC. Bon, ben tout ce qui est offert en chiropratique, que ce soit au niveau de l'anamnèse, qui est l'entrevue... initiale qu'on fait avec le patient. Ouais, le premier rendez-vous. Exactement. Donc, examen physique, examen radiologique, parce qu'en chiropratique, on est formé pour prendre des radiographies puis les analyser. Ah. Tout ça qui vous est offert aussi à la CUC. ensuite, on peut faire des références vers un autre professionnel si on voit que c'est, si on juge que c'est pas dans notre champ de pratique. Et puis, bon, les traitements chiropratiques, que ce soit ajustement chiropratique, travail musculaire, prescription d'exercice et thérapie complémentaire que, au niveau des ultrasons, du TENS, électrothérapie, ainsi de suite. Et puis, donc, c'est pas mal ça pour ma capsule ajustement ce matin. C'est puis, merveilleux. Pour la queue, j'imagine que ça doit être moins cher qu'aller voir vraiment un vrai chiro. Si je me trompe pas, c'est 26$ pour un traitement, mais il faudrait vraiment aller sur le site du département chiropratique de l'UQTR. Et les prix sont différents entre... Excuse-moi, tu disais le numéro de téléphone, on peut appeler? J'ai pas le numéro de téléphone sur moi. C'est pas grave. Mais vous pouvez... c'est ça, les prix sont différents que vous êtes étudiant ou de la communauté. Donc, il faut s'enseigner là-dessus. Non. En fait, si vous êtes étudiant à l'UQTR, vous avez les assurances qui sont offertes par l'âge UQTR, je crois. Ça couvre au complet, si je ne me trompe pas, les soins chiropratiques qui sont offerts à la clinique universitaire. Ah, c'est bien ça. Sur le site UQTR de la chiropratique, en cherchant le numéro. Non, ça, c'est j'ai le numéro. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le à vos crayons et à vos papiers. Donc, c'est le 819-376-5212. 5212, 376-5212, simple à retenir. Prenez rendez-vous avec Nicolas. Tu vas avoir des fans pendant la prochaine semaine. Ou des internes qui vont me lancer des pierres. on retrouve votre chronique, là, justement, dans le Dîner de con, les lundis. Oui. Entre 11h et 13h. C'est à quelle heure environ dans le Dîner de con? C'était à 11h30 lundi dernier. Parfait. Et puis, dans Assemblage requis, ici, les jeudis matins, ça, c'est à 8h30. Et mercredi matin. Et mercredi matin. Et vous continuez votre sujet dans le Dîner de cons, et après ça, vous revenez avec une suite dans notre émission, ou c'est pas exactement la même chronique dans les deux? En fait, pour cette semaine, c'était une suite des choses. Donc, on a commencé lundi, puis aujourd'hui, on ne faisait que faire la suite. C'est fort intéressant. Parfait. Oui, très intéressant. Merci beaucoup, Nicolas. C'est moi qui vous remercie. Et à une prochaine fois. Oui, j'espère. la chronique est là, justement, ici, à Assemblage requis. Il nous reste une vingtaine de minutes ensemble, François-Olivier Marchand. Et Mathieu Plante. Oui. On va écouter une autre pièce de la compilation de la 15e édition des Francouvertes. Avec les incendiaires. Voici Amandes Immeubles. passe la bêtise. Une indécence par surprise. Du bout des doigts et de la langue, on goûtera le lait des astres. Caressé, excité, incipiné, non censuré. François Olivier, Mathieu Plante, pièces détachées, assemblage requis. Piano élégant, assemblage requis au 89.1 FM. C'est la Radio Campus de Trois-Rivières et vous êtes à Assemblage requis qui construit par le fait même votre journée à partir de matériaux de qualité. C'est la rumeur en tout cas. Et Mathieu, je te dis que tu as choisi une bonne pièce. Je t'explique pourquoi. Parce que le titre de l'artiste, ben l'artiste, s'appelle Chocolat. Vrai, ok, ça c'est vrai, Chocolat. Vrai. Donc Chocolat, c'est comme c'est une gâterie. Oui. C'est sucré. Ouais. C'est bon. Comme toi, ouais, ouais, ouais, ça, ouais. Oh, comme moi? C'est sucré et bon, comme toi. Et puis, donc, qui dit bon, dit bonbon. Ah! Qui dit bonbon à Assemblage Requis, dit concours. Qui dit concours, dit vous pouvez gagner. Vous pouvez gagner ici même à Assemblage Requis un ensemble cadeau de 50$, d'une valeur de 50$, de bonbons de la compagnie Allen. Les meilleurs bonbons. Qui font le Bigfoot, oui, soit dit en passant. Donc, voilà. Écoute, on va faire ça simple ce matin, hein, pour plus d'explications. Appelez-nous. On prend le coup, vas-y. On prend le... Choisis avec tes doigts. Sixième appel. Sixième appel. OK, sixième appel au 819-376-5183. C'est pour 50$ de valeur de bonbons Bigfoot. C'est ça. Mais c'est pas un certificat cadeau, là. Non, c'est non, vraiment non, non. Un ensemble cadeau. D'ailleurs, vous pouvez d'ailleurs trouver un frisbee même avec ça. Là. Wow! C'est-tu pas génial? C'est, ça peut servir le frisbee si vous le mettez à l'envers de bol dans lequel mettre les bonbons. Tout à fait. Si il est propre. Il est propre. Il est propre. C'est votre choix, là. C'est donc 819-376-5183 pour gagner ces 50$ de bonbons en sac et un frisbee. Pendant qu'on s'en va entendre, Jean-Philippe, voici Envie de rien. Même les soirs de pleine lune, toute la reste Moon Queen de Blue Bazaar. Blue Bazaar qui va être en spectacle le samedi, le 19 mars, au Centre culturel Pauline Julien. Voilà, de la Maison de la Culture. Au Cap de la Madeleine. C'est ça. Hey! Vrai. Donc, oui, ben, Bio Bazaar, hein, soyez-y. Il y a une publicité dans Zone Campus en ce moment, si jamais ça vous intéresse. Il n'est pas sorti encore. Non, c'est vrai, lundi. Lundi. Hey, on dit des affaires sans vraiment être au courant. Non, le Zone Campus sort lundi, il va y avoir une pub dedans. Bref, c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. Vous comprendrez qu'il nous reste environ 2 minutes à parler. Fait qu'on va dire un petit peu n'importe quoi, à peu près, là, mais ça va se tenir quand même. On se retrouve demain matin à 7h avec une autre édition d'Assemblage requis. Demain, il n'y aura pas de François Landry. Non! Dommage, donc pas de politique, mais pas de politique. Simon Fitzbé va être là, par Simon contre. Simon Fitzbé va être là. Avec sa chronique Phénomène. Un autre sujet, on ne sait pas encore lequel. Il a fini son mois sur les Rolling Stones, donc un nouveau sujet. On va voir. On va voir. Ça va être un jeudi pas mal moins chargé qu'à l'habitude. Oui. Mais bon, ça va être fort et grave. Ça se met de relâche, c'est normal. Mais oui, c'est ça. On a une chronique, c'est un fait, de toute façon aussi, pour compenser un peu. Peut-être un poste d'écoute, on verra ce qu'on fera demain dans l'émission. Sinon, restez sur nos ondes aujourd'hui. À partir de 9h, c'est la sécheuse. À 10h, c'est l'heure internationale avec Alexandre Gauthier et son équipe. C'est une émission de politique internationale. À 11h, c'est le dîner de cons avec Danny Janvier et Charles-André Lambert. En après-midi, là, c'est très intéressant. Ça continue d'être intéressant toujours. À 13h, c'est une dose d'estrogène avec de la musique et des suggestions de sortie. Puis, on passe en mode rap à partir de 15h avec Mets-toi bien à 17h. Exactement, rap contact à 17h. À 19h, c'est Revolte-Face. Et puis, à 21h, on passe à du trance avec Psy-TR, avec Pierre-Olivier Champagne. C'est donc une belle soirée pour vous. Puis, c'est ça. Passez une belle journée. Une belle journée à l'antenne de C'est fou, évidemment. Toujours, comment s'emmerder à C'est fou? Comment s'emmerder à C'est fou? Mais qu'est-ce que tu veux dire, Mathieu? On essaie, j'essaye, moi, d'écouter C'est fou pour trouver ça plate. J'essaye vraiment. Okay. Mais je suis pas capable, parce que c'est toujours bon. Ah, t'as raison. Tu vois, Jean? Donc, bonne journée. À demain, matin, 7h. Allez en paix. Bye. Oh. Non. Commence pas ça avec moi, Ben. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.